AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Cobido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Direction la Dordogne, le Périgord, destination préhistoire. Voici la grotte de la Moutte et celle de Font de Gaume et les Aisies, bien sûr. C'est également d'autres grottes, celle de Rouffignac, de Combarelle et les abris de la Madeleine. Et l'incontournable grotte de Lascaux, ce sont des mammouths, des rennes, des cerfs, des chevaux, des aurochs. Bon bison de Dordogne, où il fait si bon passer ses vacances. Tout est séduisant dans cette région. Le climat, les gens, tout est beau. Autrefois, nous allions au bord de la mer, mais alors c'est l'affluence tellement formidable qu'on a déclaré forfait, si vous voulez. On n'aime pas ça. Nous recherchons surtout le calme. Et c'est un camping vraiment calme. C'est assez inattendu et pourtant c'est une réalité. Au Buisson, en Dordogne, le camping municipal de Vic est un lieu privilégié de séjour pour beaucoup de Français et d'étrangers. On est loin de l'image traditionnelle du vacancier gardant farouchement son maître carré de sable. On est loin de la cohue et du bruit. J'ai beaucoup entendu parler du Périgord. Qu'on y était très bien, qu'on y mangeait bien surtout, et que le climat était très formidable. C'est surtout pour le climat que nous sommes venus. Et réellement, vous avez trouvé tout ça ? Ah, j'ai trouvé tout ça, oui. Le climat y est très formidable. Voilà ce que l'on pouvait entendre dans le journal Aquitaine en 1973. Bonjour Nathalie Fourmont. Bonjour. Vous validez tout ce qui a été dit ? En partie. En partie, vous nuancez sur quoi ? Non, en fait, la nuance, elle est que ce reportage, enfin moi, il m'a beaucoup amusée, comme Stéphane Petrognani dans ce studio. Il m'a beaucoup amusée, mais en même temps, il est assez révélateur, effectivement, de la façon dont on perçoit ce territoire de la Dordogne. Ce territoire de la Dordogne qui est effectivement dans cette position entre préhistoire, gastronomie, tourisme, et l'un parfois occultant peut-être le fondement réel, historique, patrimonial, scientifique de l'autre, en l'occurrence la préhistoire. Donc c'est vrai qu'on sait que les visiteurs viennent beaucoup en Dordogne pour ces questions de climat, de gastronomie et de préhistoire, mais sur place, ils découvrent peut-être, en tout cas on l'espère, un patrimoine assez exceptionnel qui est celui de l'humanité et qui du coup vient, on l'espère aussi, les nourrir d'une autre manière d'un point de vue intellectuel et en tous les cas, je pense qu'avec beaucoup d'acteurs du territoire, on partage cet enjeu de vouloir que le visiteur touriste reparte avec une vision beaucoup plus éclairée sur les sociétés du passé. Importance de la médiation toujours dans ces territoires. Bonjour Stéphane Petrognani. Bonjour. Vous n'allez pas en Dordogne uniquement pour le climat et pour la gastronomie. Il faut bien le dire, ce que vient d'évoquer Nathalie Fourmont, c'est ce patrimoine de l'humanité. Nous avons en Dordogne une concentration de sites classés UNESCO. Alors oui, en Dordogne, on a une concentration assez exceptionnelle de grottes préhistoriques, de grottes ornées. C'est sans commune mesure à l'échelle mondiale, notamment pour le paléolithique supérieur. Et c'est vrai que ces cavités se concentrent sur une géographie relativement restreinte. Et aujourd'hui, il n'y a pas peut-être un petit trou, une petite roche qui n'a pas été soulevée par un périgourdin pour savoir si dans son jardin il n'existe pas un petit réseau, une petite grotte. Et donc, je pense que ça contribue aussi puisqu'on ne cherche souvent que ce qu'on trouve, ou on trouve surtout ce qu'on cherche. Et au final, c'est vrai que maintenant la Dordogne, même si, et Nathalie pourrait le mieux en parler, des découvertes faramineuses ont pu être faites même dans les années jusqu'à les années 2000, et on en attend encore sûrement, bien sûr, dans ces prochains temps. La Dordogne a été vraiment le théâtre de recherches très intenses. Tous ces habitants qui soulèvent les pierres, j'aime beaucoup l'idée. C'est aussi l'identité de la Dordogne. Aujourd'hui, Nathalie Fourmont, il n'est pas possible de dissocier ce territoire, Dordogne-Périgord, avec cet héritage que l'on retrouve et qui est fortement lié au tourisme aussi, cet héritage préhistorique. Effectivement, mais en réalité, pour revenir donc sur ce que disait Stéphane, si on se passe d'un point de vue un peu historique, on voit effectivement donc que cette naissance du tourisme dans ce département est complètement liée au développement, enfin d'abord à la naissance et au développement de cette préhistoire en tant que discipline. Et c'est des choses qui sont vraiment marquées dès le début du XXe siècle, puisqu'en réalité, donc avec les découvertes importantes qu'on mentionnera sans doute plus tard, celles de la moutte, de fond de gomme, de Combarelle, tous ces grands sites ornés fameux que vous avez déjà énumérés en introduction, on voit aussi notamment, ça c'est l'action du fondateur du Musée national de préhistoire, qui est Denis Perroni, on voit qu'il y a de suite un vrai souci de transmission et que très vite il comprend l'enjeu, on dirait aujourd'hui, de développement local qui peut être porté par cette science en construction. Alors développement local, mais aussi, comme je le disais au début, souci d'éveiller un peu les concitoyens de l'époque à cette idée de l'homme d'avant, de l'homme de cette préhistoire et de ces sociétés différentes, des sociétés du XXe siècle naissant. Et les deux sont complètement liés. Denis Perroni fonde le Musée national de préhistoire, mais en même temps co-fonde le syndicat d'initiative des AISI. Donc c'est deux sujets qui sont complètement associés. Nathalie Fourmont, vous êtes préhistorienne, conservatrice générale du patrimoine et directrice du Musée national de la préhistoire. Ce sont ces AISI que l'on évoque sans arrêt avec cette figure marquante de la naissance de ce musée. En 1863, Larté, qui a été un des premiers préhistoriens français, est venu aux AISI, et c'est là qu'ont commencé les fouilles les plus importantes, après celles de Boucher de Perthes, dans la vallée de la Somme. Et jusqu'en 1914, il n'y avait pas de loi sur les fouilles, et les étrangers venaient piller les gisements, jusqu'à ce que l'instituteur des AISI, qui était Denis Perroni, et qui est devenu à la fois l'ami de l'abbé Breuil et un des plus grands préhistoriens français, et probablement un des plus grands préhistoriens au monde, ait eu l'idée de faire racheter par l'État le château, plus exactement la ruine du château de Taillac. Ce château avait été démoli pendant la Révolution et il a demandé à l'État une restauration qui a été effectuée pendant la Première Guerre mondiale, si bien qu'on a pu inaugurer seulement en 1923 ce musée. Et il y a fait déposer le résultat des fouilles de la région, de tout le Périgord, et plus particulièrement de la région des AISI et de la vallée de la Vézère. Toujours dans le JT Aquitaine, mais cette fois-ci en 1970, Monsieur Guichard, un de vos prédécesseurs, conservateur des AISI, donc en Dordogne, explique la naissance de ce musée. Nathalie Fourmont, nous pouvons dire qu'il y a presque en parallèle la création de cette nouvelle science qu'est la préhistoire, et puis la volonté de diffuser les résultats de la recherche. On sent bien qu'il y a, dès les origines, l'idée de mettre en place un musée pour que les gens puissent comprendre ce qui est découvert au même moment. C'est ça. C'est vraiment les intentions assez fortes donc de Denis Perroni. Et en réalité, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a une raison éminemment scientifique et patrimoniale, comme cela a été mentionné par effectivement Jean Guichard, qui a été directeur du musée donc dans les années 70 et début 80. Le fondateur veut tout d'abord limiter la dispersion de tous les vestiges préhistoriques qui sont abondamment fouillés effectivement depuis la fin du 19e siècle. Et en choisissant de les laisser sur place dans un musée pour, dit-il, en favoriser la compréhension et l'étude. Il pense, et ça c'est le premier point, que sur place, à proximité des gisements de cette rivière emblématique et la vallée de la qu'est la Vézère, on pourra mieux comprendre ces sociétés et les objets qui proviennent des gisements fouillés. Ça c'est un premier point, et c'est aussi afin d'éviter tout cet aspect mercantile de vente d'objets dans tous les musées français, étrangers, dans les collections privées, etc. Et le deuxième sujet, c'est effectivement de favoriser la connaissance par tous de ces données qui sont sans cesse en train de se construire et qui se construisent encore en réalité. Et c'est dans cette lignée-là que se situe encore aujourd'hui l'établissement, c'est-à-dire entre recherche et effectivement transmission des résultats les plus actuels de cette recherche. Stéphane Petrugnani, il y a une histoire à remettre en place ici pour bien comprendre comment s'inscrit le tourisme dans la mise en avant de la préhistoire. La préhistoire elle-même en tant que science est quelque chose d'assez récent à l'échelle des sciences humaines et sociales. C'est très 19e siècle. Alors effectivement, la préhistoire, au sens vraiment général du terme, puisque le terme préhistoire, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué et peut-être très difficile en quelques lignes. Pour ce qui nous intéresse un peu plus peut-être aujourd'hui, en tout cas l'art préhistorique, c'est une discipline qui est encore plus jeune, puisqu'on est vraiment sur une discipline qui a à peine une centaine d'années. Et c'est une discipline qui a eu, d'une certaine manière, beaucoup de mal à s'affranchir d'un carcan intellectuel d'une époque, puisque finalement, ce qui est relativement étonnant, c'est que la préhistoire était déjà installée. On considérait évidemment les stratigraphies, les vestiges, etc. Ça ne faisait plus aucun doute pour la recherche scientifique. Des objets avec des gravures ou des représentations ne posaient pas véritablement de problème. Il y avait des reconnaissances de ce qu'on appelle l'art mobilier. Et puis, il y avait toujours cet écueil de vouloir laisser de côté, en tout cas de ne pas reconnaître ce qui était l'art pariétal en tant que tel, donc ou l'art rupestre, c'est-à-dire vraiment les gravures, les peintures, les représentations dans les grottes, les abris ou sur les parois à l'extérieur. Et c'est véritablement dans cette dynamique de la fin du 19e siècle qu'un chercheur, alors pas seulement un chercheur, mais ça fait partie vraiment c'est relativement conjoncturel, mais un chercheur qui s'appelle Émile Rivière, qui a travaillé dans une grotte qui s'appelle la grotte de la Mout, qui était finalement d'une certaine manière pas du sérail de l'archéologie, c'était pas le professeur, il n'avait pas la chaire de professeur de l'université de Toulouse ou quoi que ce soit, mais il avait cette passion, cette volonté de fouiller, comme notamment d'autres collègues de l'époque. Et puis il était intimement persuadé d'avoir fait la découverte de gravures pariétales, et il en a à ce moment-là informé les autorités, j'ai envie de dire, scientifiques de l'époque, les officieux et les officiels. Et on a gardé de nombreux courriers sur ces échanges. Il n'a jamais eu, dans les premiers temps, gain de cause, et les gens ne se sont même pas déplacés. Et puis, un jour, il a découvert dans ses fouilles une lampe, hein, puisqu'il pouvait confectionner des lampes pour mettre de la graisse et s'éclairer dans la cavité. Au verso de cette lampe, il y a une gravure d'une tête de bouquetin relativement fameuse, enfin, avec une dextérité assez aboutie. Et il se trouve que sur la paroi de la grotte, un bouquetin très sensiblement identique se trouve. Donc ça lui a fait un argument supplémentaire pour essayer de faire venir les préhistoriens. Il a fini par avoir gain de cause, et l'ensemble des préhistoriens, les plus grands de l'époque, l'abbé Breuil, etc., sont venus dans un gigantesque congrès devant cette grotte de la Mout, sont rentrés, et puis on finit par, d'une certaine manière, adouber cette découverte. Et on a eu, alors même si c'est je le relate de manière assez romantique, et les choses étaient probablement beaucoup plus complexes que ça, mais effectivement, quand le grand préhistorien de l'époque, qui s'appelait Émile Cartaillac, est rentré de ce congrès, et qui lui-même était très sceptique, hein, sur ses découvertes en amont, a écrit ce fameux article, qui est probablement l'article le plus connu de notre discipline, et qu'il a lancé, qui s'appelle Mea culpa d'un sceptique, une formule assez sympathique. Et après, finalement, un nombre de grottes très importants ont pu être découvertes, mais des grottes qui, en partie, l'avaient été déjà auparavant, mais qui n'avaient pas été, d'une certaine manière, adoubées par la communauté scientifique, hein, je pense à Altamira, Chabot, etc. Donc des grottes qui ont, d'une certaine manière, pullulé dans ce début du XXe siècle, et qui a tout de suite créé cette discipline de l'art préhistorique. Stéphane Petroniani, vous êtes docteur en préhistoire, membre de la direction scientifique de l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et cette grotte de la Mout. Nous utilisons ici, vous l'utilisez, ce mot de découverte. On sait combien il est dangereux, ce mot de découverte, au sens où on a l'impression que la grotte était fermée, on l'a ouverte, et d'un seul coup, tout est apparu. Est-ce qu'elle était déjà connue auparavant par d'autres gens, par les habitants? Alors, tout à fait. C'est souvent le cas, à de rares exceptions, comme Cussac notamment, mais souvent les grottes, en particulier aussi en Périgord, sont des grottes qui ont été déjà utilisées à des périodes très anciennes. Ça peut, alors un peu plus, de manière un peu plus récente, par exemple pour la grotte de la Mout, elle avait servi de bergerie, d'abri pendant la guerre, ce genre d'éléments. Donc on parle de découverte finalement, et même on parle d'inventeur, hein, pour les sites, lorsque on met à jour finalement ces gravures ou des objets préhistoriques. Mais c'est vrai que la grotte en elle-même, le réseau lui-même, alors pour le coup pour la Mouthe, et c'est le cas pour la plupart d'entre elles, pour les grottes préhistoriques, elles étaient déjà dans le panorama géographique local, mais il y a des exceptions à ça, où on a pu parfois découvrir par des spéléologues, comme notamment Marc Deluc pour Cussac et Nathalie en parlerait mieux, des grottes complètement vierges de passage humain. Contemporain. Oui, effectivement. En réalité, voilà, Stéphane a bien expliqué les choses. On a une telle continuité d'occupation humaine dans ce territoire que bien souvent les sites, ils ont été fréquentés aux périodes parfois antiques, très fréquemment médiévales, modernes, etc. Par exemple, Rouffignac que vous mentionniez est une grotte dans laquelle il y a eu quantité de graffitis des périodes historiques, intéressant d'ailleurs. Mais il arrive aussi que on a eu au cours des années 80-90 des prospections spéléologiques très importantes menées par la fameuse au regard de la Dordogne Compagnie des Bonnes et qui ont permis d'ailleurs de faire complètement exploser le nombre de grottes ornées découvertes dans cette vallée en l'affaire de 10 ans, il y a une dizaine de grottes. Alors évidemment, toutes ces grottes sont pas à l'ampleur de Lascaux, de Fond de Gomme, etc., mais il faut bien imaginer qu'à côté de ces grands sanctuaires, pour reprendre le terme assez classique, il y a quantité de petits sites dans lesquels parfois on trouve quelques gravures. Et ce que mentionnait Stéphane, c'est aussi une découverte très importante, c'est en 2000, la découverte de la grotte de Cussac, qui est une grotte qui est datée du Gravettien, donc à peu près 30 000 ans, et qui a la particularité d'associer à la fois des grandes représentations gravées, quasiment en taille naturelle pour certains animaux, et des vestiges humains contemporains, plus tout un tas d'indices de fréquentation du réseau qui fait près de 2 km de long et d'anthropisation du milieu souterrain. Et l'important d'ailleurs dans ces découvertes récentes, c'est de pouvoir les gérer, puisque comme elles n'ont pas été fréquentées après la préhistoire, elles conservent quantité d'indices alors que ces indices ont été détruits bien souvent dans les grottes plus anciennement fréquentées. L'émotion au moment de découvrir cet art pariétal. La narration s'est arrêtée. Stupeur archéologique. Le temps fossile. Dans le cortège des millénaires, le minéral s'est ridé, plié comme un livre, couvert de traces, de signes. De signes. L'animal peint sur la roche est vivant. Et la grotte est une gorge de chair et d'os. Décor. Le rocher tombe en draperie. Un poème radiophonique de René Farabet, La grotte qui pleure. Alors la grotte en question, c'est la grotte de Bédéillac, c'est en Ardèche, mais dans une émission en Ariège, dans une émission consacrée à la Dordogne, vous pouvez bien faire un petit clin d'œil à l'Ariège. Bonjour Patrick Payet. Bonjour. Quand vous avez pu écouter tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission, et notamment sur le rapport à l'art pariétal, c'est-à-dire la lente prise de conscience que l'art pariétal était un art aussi ancien. Il y a eu des visiteurs pendant des siècles qui regardaient, qui ne comprenaient pas ce que c'était. Il y a vraiment, et j'ai envie de le dire encore aujourd'hui, tout un travail de médiation à faire, d'explication pour essayer de dater cet art-là et de faire comprendre que bah, c'est vieux quand même. Oui, non seulement de le dater, mais surtout de le rendre quelque part présent dans l'esprit des gens. J'ai un retour qui me gêne beaucoup là, je suis désolé, mais il y a effectivement un art qui est un art pariétal qui est aujourd'hui globalement accepté par l'ensemble de la communauté scientifique, mais cela a demandé quand même une longue période d'adaptation adaptation, notamment au XIXe siècle, où les premières découvertes faites à Altamira, en particulier en Espagne, ont mis quasiment un quart de siècle à être définitivement reconnues. Et Stéphane précisait tout à l'heure effectivement que ce congrès qui s'était tenu, dont une excursion s'était tenue en Périgord, avait permis de fixer définitivement cette authenticité dans l'esprit de la communauté scientifique, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement du grand public. Et il y a effectivement un grand travail à faire à la fois de sensibilisation, de découverte, de médiation, démontrer que l'art des parois, l'art des grottes, l'art des abris, etc., est parfois d'une réalisation fort ancienne, qu'elle est de la main des hommes préhistoriques qui gardent encore dans l'esprit de beaucoup de personnes un caractère un petit peu archaïque, un petit peu désuet. Et il y a effectivement de la part des médiateurs un gros travail à faire. Mais nous, en tant que scientifiques, on est aussi on a aussi une part de responsabilité, si vous voulez. On travaille dans des grottes, on travaille à documenter l'art des grottes, non seulement l'art lui-même, mais le contexte général de la cavité, et à publier nos travaux, et non seulement les publier, mais aussi à les porter au-delà du monde scientifique, auprès du grand public, auprès des publics scolaires, etc., et insister beaucoup sur à la fois la fragilité de ce patrimoine, mais son authenticité, et puis sa grandeur, quelque part. C'est en cela, Nathalie Fourmont, que dans le Musée national de préhistoire des Ezis, il est impératif d'avoir tout l'aspect scientifique et l'aspect grand public, étant donné que la science ne cesse d'avancer et que, année après année, travaux après travaux, on comprend un peu mieux. C'est vraiment faire passer tout ce savoir au plus près des scientifiques à un savoir au plus près du grand public. C'est exactement ça. D'ailleurs, si on va au fond des choses, c'est un peu la mission de tous les musées d'être comme ça, avec trois missions fondamentales, celle de conserver, celle de faire des activités, enfin de conduire des activités de recherche sur les collections, et celle de valoriser, transmettre. Et donc effectivement, cet enjeu, il est complètement lié. Et dans les projets scientifiques que porte l'établissement, scientifique et culturel, l'idée, c'est d'avoir, en quelque sorte, comme j'ai pu le dire par ailleurs, ce circuit court de la recherche, qui permet aussi d'avoir de manière très rapide une transmission auprès des publics, évidemment avec la distance scientifique malgré tout qui s'impose. Il ne s'agit pas de faire du scoop à tout va, mais bien au contraire d'être de manière très forte impliqué dans les projets de recherche. L'établissement lui-même est impliqué dans une quinzaine de projets de recherche pour ensuite, soit par le biais de ses personnels scientifiques, soit en tant que partenaire d'autres projets, pour ensuite avoir cette recherche et ces nouvelles connaissances qui sont comme ça portées sur les collections et sur les gisements dont on conserve les collections, de façon à très, très clairement, très posément et avec un certain degré d'exigence justement dans le discours, mais d'accessibilité aussi, pouvoir en donner les résultats au public. Donc les collections du musée ne sont pas des collections mortes qui dorment. On a près de 7 millions de pièces, ça paraît complètement fou, mais malgré tout, sur ces 7 millions de pièces, beaucoup vraiment sont sans cesse remobilisés dans ces activités de recherche, puisqu'on a entre 5-6 chercheurs par jour, là, dans le musée, au moment où je vous parle, à peu près 200 chercheurs par an. Et c'est à la fois dans la recherche et dans la formation. Parmi ces chercheurs, il y a beaucoup de doctorants, post-doctorants, et c'est très important, puisqu'on voit bien, de fait, que ces collections-là sont mobilisées vraiment pour les dernières avancées, les dernières interrogations, les dernières problématiques de la discipline. Des doctorants, des chercheurs qui ont besoin de toute cette ressource et qui fait écho à l'attente du public. Stéphane Petroniani, vous le voyez bien, sans cesse, j'imagine, et l'INRAP met vraiment en avant sans cesse aussi cette médiation, les gens attendent de savoir, attendent de la compréhension. Et pour ce monde de la préhistoire, c'est vrai que faut rappeler les choses. Vous avez écrit de Chauvet à Lascaux, l'art des cavernes, reflet des sociétés préhistoriques en mutation. De Chauvet à Lascaux. Mais rien que pour ça, on joue déjà sur des millénaires d'écart. Alors, c'est sûr que quand on met le prisme sur l'art préhistorique, c'est assez considérable puisqu'on va parler de presque 30 000 ans. Donc, pour l'art préhistorique, j'entends pour l'homme moderne, on va dire, parce que on pourrait dépasser l'actualité nous fait bien dépasser cette bande chronologique, mais si on s'arrête à l'homme moderne, c'est-à-dire à Sapiens Sapiens. Donc on a à peu près 30 000 ans d'art préhistorique jusqu'à l'Holocène, le réchauffement, et il y a 10 000 ans. Et sur ces 30 000 ans, ce qui est exceptionnel d'une certaine manière, c'est que, bon, alors tout dépend de la focale à laquelle on va la mettre, mais on a quelque chose qui est très très fort, très codifié, extrêmement homogène d'une certaine manière, si on descend pas trop bas dans la focale, c'est-à-dire un art avec énormément d'animaux, mais très peu d'espèces représentées par rapport au champ des possibles, des signes géométriques, très peu de signes par rapport au champ des possibles, et quasiment pas de représentation humaine. Et alors, pour le coup, quasiment pas, ou alors on les a pas comprises, de végétaux. Et pourtant, on parle de personnes qui vivent au milieu de la nature, donc pas d'arbres, pendant 30 000 ans. Donc, c'est derrière ça, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a, une emprise très forte des sociétés, ça renvoie un peu à ce titre, et les interdits, on peut le dire, on peut en tout cas en parler, sont relativement forts. Ils ont pu fluctuer en fonction des chronologies, en fonction des différents groupes culturels, et puis c'est ça qu'on essaye de traquer, en fait, d'une certaine manière, une sorte d'enquête, c'est de voir, voilà, est-ce que, et Patrick le disait bien, l'art préhistorique et son contexte, hein, c'est-à-dire à la fois, moi, par exemple, si dans une cavité, je vais rapprocher des animaux d'une autre cavité par la manière dont ils sont représentés, on pourrait appeler ça le style ou etc. Je vais évidemment travailler toujours en pluridisciplinarité avec des collègues qui vont peut-être me dire, voilà, bah ces silex, ils viennent de telle zone d'approvisionnement, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est relativement similaire, puis un autre collègue qui va travailler sur la manière de débiter leurs outils ou leurs armes de chasse, etc. Et puis c'est en fait mis bout à bout tous ces éléments d'un puzzle. Alors certains ont une pièce parfois un peu plus importante que d'autres pour placer une chronologie qui nous intéresse, mais comme le disait Patrick, il n'y a pas que la chronologie. Et c'est vrai que plus on se rapproche dans le détail, plus on s'aperçoit de différences, mais on a quand même quelque chose de très très très puissant, très très homogène et qui dépasse la simple Dordogne, bien sûr. Et puis l'actualité de la recherche rattrape parfois le chercheur. Ce que vous évoquez là, c'est le fait que nos cousins néandertaliens, eux exactement, aussi, étaient sans doute aptes à faire tout des à représentations. Fait. Alors, bien sûr, là, il y a dernièrement un article qui est sorti dans la revue Plus One sur les gravures de la grotte de la Roche Cotard de Néandertal. Donc là, on va dépasser 50 000 ans. Donc on est dans des représentations de Néandertal. Alors, c'est vrai que dans la communauté scientifique, souvent, il y a eu cette opposition entre art préhistorique et Néandertal, mais c'est un débat un petit peu dépassé dans la mesure où c'est plutôt le prisme, il est à mettre, enfin la focale plutôt en termes peut-être de figuration. Voilà, chez Néandertal jusqu'à présent, on n'a pas de figuratisme. Enfin, oula, ce mot il me plaît pas trop. On n'a pas de représentation figurative mais ça n'empêche que on parle d'un homme, et dans ce substrat, il y a une forme évidente de symbolisme et de représentation qui paraissent aujourd'hui évidentes pour tout le monde. Oui, oui, voilà, c'est ça. Si c'est notre évident regard qui a été éduqué sur cet art préhistorique, Patrick Payet, vous êtes préhistorien, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes l'auteur de « Qu'est-ce que l'art préhistorique ? L'homme et l'image au paléolithique » publié par les éditions du CNRS avec « Qu'est-ce que l'art préhistorique ?» Mais rien que de dire ça, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous. Il y a eu cette éducation au fil du temps à l'art qui, aujourd'hui, fait que dès que nous voyons une représentation d'un auroch, d'un bison sur un mur, on se dit « Ah, ça c'est préhistorique », ça n'a pas toujours été une évidence. Mais pour les chercheurs non plus, on l'a bien entendu. Tout à fait. Dès la fin du 19e siècle, finalement l'art mobilier a été évidemment découvert lors des premiers travaux, notamment en Dordogne, en Périgord, à la Madeleine, à Laugerie-Basse, à la suite des recherches, des fouilles effectuées par Édouard Larté, le marquis de Vibray, etc. Cet art mobilier a été intégré, je dirais, finalement assez facilement dans le corpus des productions préhistoriques, mais mais toujours avec une petite réserve. On y voyait plus l'œuvre d'artistes ayant du temps à perdre ou du temps à passer à la création, tout ça autour de la théorie plutôt de l'art pour l'art, d'un art d'un art produit entre deux chasses pour le plaisir. Et la dimension symbolique ou la dimension idéale de cet art a eu beaucoup de mal à finalement rentrer dans l'esprit des scientifiques très cartésiens à l'époque, etc. Et l'art pariétal, lui, a encore eu beaucoup plus de mal, hein, comme je le soulignais et que mes collègues le soulignaient tout à l'heure. Il a fallu attendre 1901 pour que définitivement, suite à la découverte de fonds de gomme, de la grotte de fonds de gomme et de la grotte de Combarelle aux Aizis, l'authenticité, l'antiquité, entre guillemets, de cet art pariétal, de cet art préhistorique, soit définitivement accepté. Toujours est-il que la profondeur, je dirais, symbolique de cet art a mis beaucoup plus de temps à rentrer un petit peu dans les esprits, à éveiller un peu les esprits. Et à partir du début du XXe siècle, sont nées toute une série de théories interprétatives, parfois un peu farfelues, parfois très ancrées, si vous voulez, dans l'ethnologie comparative. Hein, on allait chercher dans les peuplades actuelles ou subactuelles d'Afrique, du Nord, de l'Europe ou d'Amérique du Sud, des concepts, des idées, des pratiques que l'on calquait comme ça sur les productions artistiques de la préhistoire. On a aujourd'hui pris un peu de distance par rapport à tout cela et il convient aujourd'hui davantage de se consacrer à la documentation, si vous voulez, à la protection et à la diffusion de ce patrimoine artistique, qu'il soit mobilier ou pariétal, plutôt que de s'efforcer d'essayer de le comprendre dans toute, je dirais, dans toute sa complexité, en quelque sorte, sémantique. Patrick Payet, c'est quoi ces théories farfelues? Vous les avez qualifiées ainsi des premiers temps des découvertes de cet art pariétal? Oh, farfelu, j'exagère toujours un tout petit peu. C'est un côté un petit peu méridional qui revient, mais l'une des dernières, le chamanisme, par exemple, qui est une théorie parmi tant d'autres, hein, qui est apparue dans le courant du XXe siècle, début du XXe siècle, et qui a été réactualisée il y a à peu près une quinzaine d'années, par certains collègues, et cette théorie qui mettait en œuvre, si vous voulez, tout un processus d'altération de la conscience, etc., de mise en lien, en connexion avec les esprits dans les grottes, etc., est une théorie qui ne se base finalement que sur très très peu de témoignages et qui a, comme toute théorie interprétative, qui a vocation par ses créateurs ou ceux qui ont repris ces théories-là, de vouloir expliquer la globalité des productions artistiques de la préhistoire. Et ces productions artistiques sont complètement codifiées, elles résistent la plupart du temps aux interprétations. Donc je crois qu'à un moment il faut garder un petit peu conscience que cet art n'est pas destiné, ne nous est pas destiné, il n'a pas été créé pour nous, hommes du XXe siècle ou hommes et femmes, enfin humains du XXe siècle ou du XXIe siècle, il a été créé pour d'autres, dans d'autres circonstances, il y a des dizaines de milliers d'années, et qu'il serait vain, illusoire et arrogant quelque part de vouloir essayer de le comprendre dans toute sa finesse et dans toute sa diversité, hein, parce qu'il faut aussi bien imaginer qu'au travers des territoires gigantesques que représente par exemple l'Eurasie, mais si on a tendance effectivement, là on parle de Périgord, donc on va rester dans ce territoire européen, ce territoire européen qui est vaste et une chronologie qui est très distendue, qui est très très importante, hein, de 35 000 ans, 40 000 ans. Jusqu'à il y a à peu près 12 000 ans, 11 000 ans, ce qui fait quand même un certain nombre d'années, il faut bien imaginer que là aussi, les pratiques symboliques, que la sémantique a le sens, hein, de ces représentations, leur motivation a certainement varié, hein, d'un groupe à l'autre, d'une communauté à l'autre, etc. Donc, j'appelle un petit peu farfelu ces théories qui ont vocation ou qui se prétendent avoir vocation à une explication généraliste et à appliquer sur toutes les les productions artistiques. Non, mais c'est très éclairant ce que vous dites là, Patrick Payet. C'est vrai qu'il faut faire preuve d'énormément de modestie face à cet art. Nathalie Fourmand, au Musée National de la Préhistoire, aux Aisy, bien sûr, pour les visiteurs. Il y a des questions extrêmement légitimes au moment de découvrir, en disant mais pourquoi il faisait ça? C'était juste pour représenter l'animal qui allait être chassé ou est-ce que c'est religieux? Toutes ces questions-là sont posées, il faut y apporter des réponses. Il faut y apporter des réponses et effectivement avec une certaine humilité. Je pense que les réponses que nous tentons d'y apporter sont un peu dans la ligne de ce que vient d'exprimer Patrick, de dire que voilà, l'important c'est de comprendre que c'est effectivement un art, enfin ce qu'on appelle nous art, déjà il y a déjà sujet à discussion, on pourrait faire une émission entière sur cette question, donc c'est déjà un art qui est celui de peuples qui sont chasseurs, cueilleurs, collecteurs, un peuple sans écriture, comme disait Lévi-Strauss, et que partant de là, ils ont des fonctionnements intellectuels, enfin, je ne parle pas de capacités cognitives qui sont largement égales aux nôtres, hein, mais des fonctionnements de pensée, des fonctionnements sociaux, des fonctionnements de perception de leur positionnement dans le monde, dans le vivant, qui sont diamétralement différentes des nôtres. Partant de là, effectivement, chercher à tout prix à interpréter de manière systématique, c'est un puissant fond. Enfin, on ne pourra jamais comprendre ce qu'ils avaient clairement dans leur tête. L'essentiel, je pense, est de transmettre cette idée que ce sont des sociétés différentes des nôtres, qui fonctionnent différemment des nôtres, qui ont des pensées symboliques extrêmement complexes. Extrêmement complexes parce que derrière cette unité, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences selon les sites, selon les régions, selon les supports, selon... Voilà, on a des abris ornés, on a des grottes ornées, on a des objets ornés. Mais est-ce que tout ça, c'est la même chose? Certainement pas. Et c'est ça qui est important de transmettre. Ce que l'on dit souvent donc au musée, avec nos conférencières de la RMNGP également, c'est que si un visiteur part du musée avec plus de questions sur ces sociétés du passé... qu'il n'en avait en rentrant, alors on a peut-être réussi quelque chose. C'est-à-dire, on a réussi à avoir cet éveil sur l'altérité, sur la diversité humaine et sur, en même temps, cette unicité, cette particularité de l'humain qui a voilà, des pensées éminemment complexes et socialement avec des différences. Stéphane Pretronani. Oui, souvent, le pourquoi c'est cet art, etc. En tant que chercheur, souvent, la réponse, c'est que on va plus c'est plus un positionnement, mais on va plus se focaliser sur le comment. En fait, comment cet art s'est organisé plus que pourquoi. Alors, effectivement, et je rejoins tout à fait Patrick, et c'est pas du tout une forme de bémol que je veux rajouter, mais d'une certaine manière, parfois, je pense que, évidemment, l'interprétation, alors pas du tout à tout va, à toute, voilà, et moi-même je suis pas un interprétateur, voilà. Mais je pense qu'il faut, on a eu tellement d'interprétations, comme il disait parfois un peu farfelues, etc., que ça a séché aussi d'une certaine manière, une manière pour le chercheur de se projeter sur une explication possible sur son terreau de recherche. Et on ne peut pas uniquement fonctionner avec des éléments comme ça un petit peu vides de sens, puisque au contraire, hein, des éléments comme ça totalement symboliques l'étaient forcément. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il va falloir les interpréter, mais toujours essayer de garder une possibilité d'explication et surtout travailler sur comment il s'organise, comment cet art se matérialise dans les faits. Et vraiment, le passer à la moulinette d'études scientifiques qui sont les mêmes que dans d'autres disciplines et prendre d'une certaine manière... Et c'est là que c'est très compliqué. Cet objet d'étude qui n'est pas un objet comme les autres, comme temporairement, en fait, comme un objet archéologique comme un autre, pour pouvoir le comparer, le mesurer d'une certaine manière, et puis pour pouvoir en tirer des conclusions. Et parfois des interprétations, pas des interprétations complètement sur le pourquoi ils l'ont fait, mais des interprétations sur le à quel niveau il a pu se diffuser, à quel niveau il a pu être repris ou non. Si il y a des, voilà, en fait, l'interprétation, on peut la diminuer en termes de d'intensité, en termes de terminologie. Pas une interprétation, la magie de la chasse, le chamanisme, mais simplement une interprétation. Voilà. Comment, on va dire, les artistes de Lascaux, éventuellement, ont pu en rencontrer d'autres au sein d'un même territoire, ont échangé, et quelle influence ça a pu avoir sur ces périodes-là, etc. Magique Dordogne, destination préhistoire, la belle préhistoire, mais aussi la création radiophonique. c'est la Dordogne aujourd'hui qui nous intéresse dans le cours de l'histoire. Radio Dordogne, Radio Dordogne. Et on chauffe ? Écoutez, on ferme, on chauffe au bord de l'eau. Je vais toujours en Dordogne. Hein. J'avais 15 ans, c'était en 1908 par là. Et là, on reprenait la Dordogne là-dessus, de Bergerac ou quoi. On reprenait la Dordogne. Donc, et la Dordogne, le pays de cœur, bien entendu. Les cartographes du son 2014, Benjamin Boudonneau, création radiophonique autour de la Dordogne, Patrick Payet. Mais pourquoi la Dordogne ? Pourquoi une telle concentration de sites préhistoriques en Dordogne ? Pourquoi ? Alors là, c'est une vaste question assez complexe. C'est vrai qu'il est vrai que la Dordogne, le Périgord, rassemble le plus grand nombre de grottes ornées en France, quasiment 60, une soixantaine on va dire, sur les 180 à peu près hein, qui ont été recensées, découvertes à ce jour. Donc une vraie richesse, est-ce qui serait due vraisemblablement d'abord à la géologie. Je pense que le substrat géologique joue énormément. Pour qu'il y ait une grotte, pour qu'il y ait des abris, pour qu'il y ait des sites préhistoriques, il faut qu'il y ait une géologie favorable. La Dordogne est caractérisée par des calcaires cognatiens, qui sont des calcaires qui sont karstifiés en quelque sorte, dans lesquels des grottes ou des cavités se sont creusées. La plupart du temps de petites cavités par rapport aux Pyrénées, hein, ce ne sont pas des karsts énormes, mais il existe en Dordogne des milliers, des dizaines de milliers de grottes naturelles, dont une soixantaine ornées. Vous voyez, c'est relativement peu, mais c'est quand même important. Je pense que le substrat géologique joue énormément. La Dordogne est aussi un territoire qui est particulièrement bien disposé du point de vue de la géographie, de la topographie. C'est un territoire qui n'est pas un territoire de haute altitude. Actuellement, si l'on en juge par le niveau des mers actuelles, il faut peut-être intégrer le niveau des mers de la préhistoire paléolithique au paléolithique supérieur, avec des niveaux à moins 130 mètres, etc. Donc une Dordogne plus éloignée, si vous voulez, un Périgord plus éloigné des bords de mer, mais qui subit les influences de l'océan, les influences adoucissantes de l'océan. Et ça, c'est aussi un facteur important, probablement les paléoclimats qui étaient favorables. Par ailleurs, je pense que la Dordogne préhistorique offrait une biodiversité animale, végétale, qui était peut-être plus importante qu'ailleurs, en tout cas qui était importante. Des rivières, notamment la Dordogne elle-même et ses principaux tributaires, la Vézère, l'Isle, la Dronne, c'est vrai qu'on a tendance souvent à focaliser autour de la Vézère, mais d'autres rivières, si vous voulez, irriguent en quelque sorte ce vaste territoire. La présence de l'eau, elle est favorable à la présence de l'animal et à la présence de l'homme. Et puis, la richesse en matières premières également, en matières premières lithiques, le silex en Dordogne est abondant dans la région de Bergerac, mais ailleurs également. Ce sont aussi des sources, si vous voulez, d'approvisionnement de matières premières qui attirent les hommes. Et pour en revenir finalement, faire un petit clin d'œil à ce que l'on entendait au tout début de cette émission sur la Dordogne gastronomique. Est-ce que la gastronomie déjà préhistorique n'était pas un élément qui a finalement attiré les préhistoriques ? Et les gens sont sympas, j'ai entendu dire. Les gens sont sympas en Dordogne. Est-ce que les préhistoriques, les Magdaléniens ou les Gravettiens du Périgord n'étaient pas finalement des gens sympas qui a attiré en quelque sorte des collègues d'ailleurs ? Là, c'est sous la forme d'une boutade, mais c'est vrai que ce territoire béni des dieux l'est pour ses diverses raisons, certainement, et puis pour une raison aussi fondamentale, c'est l'histoire des sciences. L'histoire de la préhistoire est née. Alors, elle est née dans la Somme, plutôt, et rapidement, elle a fait ses armes, en quelque sorte, en Dordogne, grâce à Édouard Larté, Henri Christie, le marquis Paul de Vibray, dès 1860-63. C'est donc un territoire qui a été investi, largement investi, par la recherche et de manière continue jusqu'à aujourd'hui, ce qui explique ce que disait Nathalie tout à l'heure, ces travaux d'exploration, ces travaux scientifiques, de prospection dans le territoire par les spéléologues, etc., amènent aussi, suscitent aussi quelque part de nouvelles découvertes. Donc, le Périgord bénéficie finalement de tous ces paramètres conjugués en quelque sorte pour faire une terre de préhistoire tout à fait passionnante. Et pour l'archive qui a débuté l'émission, une archive de 1973, des touristes disaient « Ah, on y est bien en Dordogne, les gens sont sympas, on y mange bien ». Et ils ajoutaient aussi le climat. Mais quel bonheur ce climat de Dordogne, Nathalie Fourmand. Mais était-ce le même climat du temps de ces premiers hommes, de ces hommes en tout cas, qui ont réalisé ces œuvres sur les murs? Alors, effectivement, cette question de climat, et là je vais rejoindre ce que disait Patrick il y a un instant, il faut voir que cet art effectivement du paléolithique correspond à une période qui est celle du dernier maximum glaciaire jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Donc déjà c'est un climat qui change, hein. Le climat des Aurignaciens qui ont fait les premiers blocs ornés de la vallée de la Vézère ou abris sculptés de la vallée de la Vézère n'est pas complètement le même que celui encore plus froid des Gravettiens de Clussac, non plus que celui qui commençait à être largement plus tempéré des Magdaléniens de Fond de Gomme il y a 15 000 ans. Et l'extrême fin de cet art est autour de 10 000 ans. Là, on s'approche de l'optimum climatique. Donc, en réalité, on voit malgré tout que cet art qui, dans ses grandes composantes, certes connaît des transformations, des différences, mais voilà, cette unité que rappelait Stéphane en début d'émission, dans un climat différent. Il n'en reste pas moins que ce qu'exprimait Patrick, c'est-à-dire ces données fortes de paléogéographie physique, favorables certainement à l'installation humaine et à la conservation dans ces karsts de ces occupations humaines, jouent un rôle important, quels que soient les climats. On a là, sans doute, en période froide, des zones un petit peu refuges, propices au développement d'une végétation, alors qu'elle peut être très rare dans des grains de pelne stépiques, et au moment de l'amélioration climatique, avoir au contraire là le début du développement de la grande forêt tempérée. Et tout ça est effectivement en lien avec les influences océaniques favorables à cette installation et des sociétés. Néanmoins, je rejoins tout à fait Patrick quand il disait que c'est un double facteur. Il y a ce facteur de paléogéographie physique, environnementale, climatique, etc., qui entraîne une biodiversité spécifique et une paléogéographie humaine sur laquelle on débat depuis tout à l'heure. Mais il y a cette valeur historique parce que, par exemple, pour prendre un contrepoint, si on pense au Cantabre, on a ce même climat océanique, on a ces mêmes vallées, on a ce même karst, enfin, pas géologiquement les mêmes, mais on a ce même ambiance karstique. On a une quantité de sites fabuleuses, mais il n'empêche que l'histoire de la discipline s'est construite à partir de la Dordogne. Et donc, c'est là où je pense que, pour répondre à votre question, pourquoi tous ces sites en Dordogne, c'est vraiment ce double facteur, à la fois physique, environnemental, humain et histoire des sciences. Oui, facteur scientifique, c'est-à-dire que la loupe était vraiment au-dessus de ce territoire. C'est ça, et c'est très amusant, par exemple, pour reprendre une anecdote, Patrick parlait de l'Arte Christi, hein, qui arrive en vallée de la Vézère en 1962, en réalité, quand ils arrivent et commencent à fouiller le gisement de la Madeleine, ils fouillaient des abris dans la vallée de l'Aveyron, qui est pas très loin, mais des abris fameux de Bruniquel, Gandil, etc. Et ils quittent ces abris-là pour venir aux Aizis, alors qu'ils prévoyaient d'aller fouiller des sites en Provence. Et ils quittent ces abris-là et découvrent cette vallée avec quantité de ressources. En l'affaire de 2 ans, ils fouillent quasiment tous les grands gisements qui sont les gisements éponymes, hein, qui ont donné le nom à différentes cultures du paléolithique, le moustérien au moustier, la madeleine, le magdalénien, etc., etc. En réalité, ils viennent là aussi par commodité. Voilà, on le dit souvent, et certains collègues l'ont dit, la préhistoire aux Aizis, elle arrive en train. C'est cette création de la ligne aux Aizis qui favorise aussi l'arrivée des savants Et ensuite, pour reprendre les vocables de Péroni, les savants et les profanes, dans cette vallée de la Dordogne. Et le cercle est bouclé. Ces années 1860, 70, 80 et 90, parce que pour la grotte de la Moutte, c'est les années 1890 hein, où elle est mise en avant. Alors oui, effectivement, la découverte de la grotte, puis des gravures, c'est vraiment l'extrême fin du 19e siècle. Et de ces découvertes jusqu'à aujourd'hui, où on mène encore des recherches dans la cavité, on a une sorte de continuum avec évidemment de longs hiatus, mais un long continuum de recherche qui permet de s'appuyer, et c'est assez exceptionnel en termes de recherche, sur des travaux de prédécesseurs et sur des éléments qui sont très différents des nôtres. Aujourd'hui, on a alors souvent plus de temps pour travailler, des conditions de travail, on va dire, purement techniques plus favorable, mais intellectuellement, il y a absolument pas du tout. On invente quasiment rien, mais on se place un petit peu sur les épaules des génies qui nous ont précédés. Précédés. Et c'est pour ça que il y a quelque chose qui est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, le fait de travailler comme ça, avec des mains dans la main, avec des disciplines très diverses. Vous voyez, je prends un exemple. Nous, on travaille dans la grotte de la Moutte. Je dirige l'équipe scientifique. Et puis, on est peut-être une trentaine. Et l'an dernier, donc chacun avec une spécialité bien définie, bien à lui, un petit peu trop pointue pour le commun des mortels, puisqu'on pourrait dire, c'est vraiment, on comprend pas, etc. Mais en fait, chaque discipline à son champ et à son intérêt propre, et on a, même si on peut pas forcément pratiquer cette discipline, on la comprend, on peut la mettre en perspective et travailler ensemble. Et par exemple, il y a à peine 2 ans, on cherchait des moyens, par exemple, de dater la cavité, etc. On s'est rapproché d'un programme de collectif de recherche sur les datations, et qui nous a envoyé quelqu'un qui travaillait sur une nouvelle méthode de datation, la fuliginochronologie, sur dater les suies qui vont se déposer par strates sur le plafond, etc. Donc effectivement, il y a des choses qui sont sans cesse en mouvement, des disciplines qui sont en évolution permanente et qui viennent s'imbriquer en fait dans un processus auquel participent Nathalie, Patrick, etc. Où en fait on vraiment c'est à la fois sur le temps et puis sur une diversité des approches, où aujourd'hui il y a autant de physiciens, de géomètres, d'archéologues, on va dire culturalistes dans la grotte, qui a finalement fait naître une pluralité des regards. Et c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à travailler sur ce fameux comment sur les grottes. C'est ça aussi la découverte, Patrick Payet. Découvrir une grotte ornée aujourd'hui, ce n'est pas simplement découvrir un nouveau site. Formidable, hein, parce que ça apporte toujours plein d'informations. Mais c'est aussi dans les grottes déjà connues, porter sans cesse de nouveaux regards scientifiques. C'est exactement ça, exactement. La découverte peut se faire de manière aléatoire, etc. La redécouverte d'une grotte est une démarche intentionnelle, c'est-à-dire, moi je prends l'exemple de Fond de Gomme, dans la cavité dans laquelle je travaille actuellement avec une équipe, hein, de la même manière que Stéphane. On relie les parois, on relie l'environnement, on réétudie l'ensemble des paramètres, à la fois dans la grotte, des paramètres physiques, des paramètres climatiques, etc., tout ce que vous voulez, dans la grotte et à l'extérieur de la cavité, et nous jetons aujourd'hui sur les parois un regard averti, un regard différent de celui de nos prédécesseurs, et notamment d'Henri Breuil, qui a été un peu le pape de la préhistoire et celui qui a finalement quasiment vu toutes les grottes qui étaient connues à son époque et qui les a quasiment toutes relevées, hein, d'un point de vue documentaire. Et donc le regard que nous portons aujourd'hui est un regard beaucoup plus éduqué. C'est l'expérience acquise depuis le début de la préhistoire et depuis le début de notre discipline qui se constitue au fur et à mesure du temps, qui est tout le temps en reconstruction quelque part, qui s'enrichit de la contribution des physiciens, des chimistes, des culturalistes, comme le soulignait Stéphane tout à l'heure, qui s'enrichit de multiples disciplines. Et aujourd'hui, la redécouverte est quelque chose de passionnant. Et c'est pour ça que retravailler sur des grottes ornées, parfois fréquentées par le public, ouvertes au public, comme la grotte de Font de Gomme, il y a des contraintes, évidemment, qui sont celles de la fréquentation de la grotte par le public. On ne peut pas aller n'importe où, à n'importe quel moment. En revanche, nous travaillons dans des zones où le public ne va pas et nous sommes surpris de manière constante, permanente, des nouvelles découvertes que nous faisons dans ces cavités, sur les parois, etc. Donc ces relectures sont indispensables et il n'y a pas que les grottes fraîchement découvertes à la faveur de prospection spéléologique comme la grotte de Cussac par exemple ou comme la grotte même de Lascaux d'une certaine manière qui a été découverte en 40, malheureusement qui n'est plus accessible à la recherche aujourd'hui, mais ces anciennes cavités comme Font de Gomme, 1901, c'est Font de Gomme, je crois, est la troisième grotte ornée découverte en Périgord après la Moutte et Combarel. C'est une grotte qui a été vraiment massacrée, si vous voulez, très fréquentée par le passé, au 19e siècle, avec beaucoup de graffitis, beaucoup de passages divers et variés, débris de concrétion, etc. Et nous avons été très surpris de constater que malgré les outrages du temps et les outrages quelque part aussi de la recherche, nos activités dans les grottes ne sont pas sans impact au niveau de la conservation, eh bien on continue de découvrir, d'identifier de nouvelles entités graphiques, de nouvelles figures, de nouvelles gravures, de nouvelles peintures, et puis on porte un regard beaucoup plus savant en quelque sorte, beaucoup plus interdisciplinaire sur ces peintures et leur environnement, et c'est ça qui est passionnant. Avec des grottes que l'on ne peut plus visiter en tant que telles, mais il est possible de visiter les reproductions, il est possible d'aller au musée des Aisies, où là c'est à volonté, ce musée national de la préhistoire, Nathalie Fourmand, musée centenaire, il faut le dire, parce que en parallèle de toute cette histoire, l'histoire de la préhistoire, il y a l'histoire de cette science qui se construit. Il y a l'histoire de cette science qui se construit. Alors effectivement, vous mentionnez le centenaire de l'établissement, et merci de le faire parce que ce centenaire, c'est on veut le fêter dignement. C'est pas un regard nostalgique vers le passé, pas du tout. C'est au contraire pour montrer à quel point l'histoire de la discipline est associée à l'histoire de ce territoire dont on parle depuis bientôt une heure et est associée à l'histoire des sciences globalement. Et donc effectivement, au cours de ce centenaire, on entend montrer ça et démontrer ça de manière très, très réelle, avec la reconstitution des salles de 1923 et avec des évocations multiples à la fois de cette histoire des sciences et de ce patrimoine exceptionnel de la vallée de la Vézère. Plaisir de comprendre et plaisir esthétique aussi, il faut le rajouter, parce que c'est aussi ça, aller voir ces musées et ces sites. Merci vivement à vous trois, Nathalie Fourmand, Stéphane Petroniani et Patrick Payet. Plaisir de comprendre, eh bien, il est là pour nous, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi l'édition numérique risque-t-elle de bouleverser le métier d'historien ? L'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur d'un libre accès immédiat et sans restriction à l'édition scientifique, car tout le monde doit pouvoir lire gratuitement sur Internet les études financées par nos impôts. À première vue, on ne peut que souscrire à des propositions qui sont conformes aux grands principes de notre démocratie. Pourtant, ce programme se heurte à des objections que j'évoquerai dans ma chronique d'aujourd'hui en privilégiant l'exemple de la science historique. Dans un article paru en 2015, dont vous trouverez la référence sur notre site, l'historien Philippe Minard, secrétaire de rédaction de la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, l'une des principales et des plus anciennes publications scientifiques françaises, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. La croissance exponentielle de la numérisation des revues génère de nouvelles formes d'écriture et aussi des modes de diffusion et de lecture qui diffèrent de ceux qui existaient à l'époque des revues sur papier. Sans nier les aspects positifs de ces innovations, Philippe Minard appelait ses collègues à ne pas sous-estimer les risques qu'elles impliquent. Les facilités de l'édition numérique encouragent les pratiques de l'auto-édition, qui échappent à toute règle et à toute discipline collective. Mais cette liberté n'est qu'apparente, car ce sont les géants privés de l'Internet, qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui contrôlent ce nouveau type d'espace public. En conséquence, la production du savoir scientifique est de plus en plus soumise à la logique capitaliste. Une étude sur l'ensemble des travaux publiés par les chercheurs du CNRS en 2017 a montré que le marché de l'édition scientifique était aujourd'hui largement dominé par quelques entreprises éditoriales multinationales. Et dans le secteur sciences, technologies et médecine, l'abonnement aux revues contrôlées par ces grands groupes peut dépasser 2000 euros par an. C'est l'une des raisons qui explique la mobilisation des bibliothèques universitaires en faveur de la gratuité et de l'accès ouvert. Plusieurs grands éditeurs internationaux ont fini par céder en apparence à ces exigences. Mais c'est au prix d'un basculement dans l'assiette du paiement du lecteur vers l'auteur, celui ou celle qui veut publier un article dans l'une de ces prestigieuses revues doit parfois débourser jusqu'à 1000 dollars pour être édité. Cette course au profit concerne surtout le domaine des sciences physiques et médicales. Étant donné que la plupart des revues de sciences sociales sont exclues de ce type de marché, elles seraient condamnées si l'accès libre et gratuit leur était imposé. Il ne faut pas oublier en effet que l'édition d'une revue est un métier qui ne s'improvise pas et qui a un coût. Voilà pourquoi le Syndicat national de l'édition considère que les propositions de l'Union européenne en faveur de la gratuité sont une menace pour les éditeurs et surtout pour les plus petits d'entre eux. L'enjeu est donc d'imaginer des solutions qui permettent de favoriser l'accès de tous aux connaissances savantes sans pour autant mettre en péril les institutions de celles et ceux qui les produisent. Mise en garde nécessaire. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sous France Culture, une émission réalisée par Alexandre Zanares, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoine Vidal, Jeanne Copagie-Antilly et Maïwenn Guizhou. Merci à France Bleu Armorique. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Le secret de la licorne. En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine. Et je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine! Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.